Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Oh. Quoi, moi, je me sens concerné. Bon, des fois, c'est... Parce que bon, souvent, on se dit... Par rapport à qui, à quoi? Moi, je dis mon avis, c'est ce que je pense, quoi. Personnellement, moi, ça me touche. Mais oui, mais... Enfin, je sais pas si... Non, mais ça, je suis d'accord, mais c'est le point de vue... Allez, ils disent, par exemple, si... Moi, je veux vous dire que... Bon, on dit... Non, en fait, moi, je voudrais poser la question... Mais, du coup... Moi, je pense, donc... Mais non, en fait, mais c'est vrai que c'est... Disons que... Et que voilà, quoi. Et je me dis que... Moi, je pense bêtement... Mais alors, j'en suis pas si sûr. Bah, ça dépend, enfin... Moi, je trouve, personnellement, moi, je suis... Je crois quand même que... Mais non, mais enfin, tout le monde... Non, disons... Enfin, je veux dire... Moi, je trouve... Je suis pas tellement d'accord à ce moment-là. Enfin, j'hésite entre les deux parce que d'un côté... Attends, on va l'effacer quand même. Non, on va le garder. Okay. Bon, ici, rencontre à Bruxelles pour un colloque. C'est un colloque, hein, ce bazar. Sur toutes les radios, mais c'est pas que les radios. C'est sur la régulière. C'est plutôt sur les radios associatives, si tu veux, dans un contexte à 360 degrés, donc qui regarde non seulement l'aspect des producteurs, donc des gens qui font la radio, des acteurs principaux, mais aussi avec un œil sur l'aspect de la régulation, sur les aspects qui regardent la dichotomie qu'il y a entre les résolutions et les déclarations qui se font au niveau officiel du Parlement européen, du Conseil de l'Europe, et les pratiques sur le terrain qui sont quelquefois, moi je dirais plutôt souvent, un peu différentes des résolutions politiques. Et donc je pense qu'on aura un œil non seulement du côté européen, mais avec des acteurs qui viennent du Brésil, de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique latine, etc. etc. On commence comme ça de but en blanc, mais est-ce que tu n'es pas obligé hein, de te présenter, tu peux rester aussi dans l'anonymat si tu préfères, un peu te présenter. Oui, bon, j'ai aucun souci. Je m'appelle Francesco Diasio. Je suis le coordonnateur européen de la MARC. La MARC est l'Association mondiale des radios communautaires. Moi, j'ai commencé à travailler dans une radio associative en 94-95, une radio associative de Rome qui s'appelait Radio Città Futura. Puis en 98, j'ai monté avec des collègues une agence radiophonique qui travaillait et qui travaille principalement sur l'Internet. Donc c'est une agence qui produit des programmes, des émissions, des documentaires radiophoniques qui sont distribués à un circuit d'environ 20 radios associatives italiennes gratuitement. Donc l'agence récupère soi-disant les coûts de production et de soutien et de fonctionnement à travers d'autres projets. Donc déjà à partir de l'année 2000, on a commencé à travailler beaucoup au Moyen-Orient. Donc j'ai travaillé en Jordanie pour mettre en place un premier centre de production internet radio en 2000 à Amman, qui était une première à cette époque-là. Amman en Jordanie. Puis j'ai travaillé beaucoup en Palestine entre 2002-2003 jusqu'à 2006, au Congo jusqu'en 2006-2009, puis beaucoup d'autres aventures radiophoniques à travers le monde, à partir du tremblement de terre à Haïti en 2010, les radios au Pakistan. Et maintenant, c'est de nouveau sur les printemps arabes que nous travaillons, avec beaucoup de soutien aux acteurs qui se trouvent en particulier en Tunisie, qui représente actuellement, je pense, un laboratoire de démocratie des médias, qui est très intéressant, parce que ça ouvre des nouveaux horizons dans le milieu des pays arabes, qui est quelque chose, je pense, de très important. Donc si je comprends bien ce que tu dis, toi t'es le gars qui a pas mal voyagé et qui a mis en place des projets radio, mais C'est pas que simplement, parce qu'un projet radio c'est quoi? Ça veut dire offrir, donner la parole à des gens, que ça circule, qu'il y ait une voix libérée, libre, parce que c'est ça aussi que ça veut dire, ton expérience? Absolument. Moi, je pense que la radio n'est qu'un instrument. Il faut donner des instruments aux personnes. Donc, notre travail n'est jamais finalisé à mettre en place une structure pour le plaisir de créer une structure. C'est plutôt un travail de soutien, de dialogue avec la société civile, avec les mouvements sociaux qui ont besoin d'avoir une voix. Donc, la radio représente, je pense, encore aujourd'hui le meilleur moyen de communication au-delà d'Internet, au-delà de la télévision. C'est la chose la plus économique à mettre en place, c'est la chose la plus facile à faire, et donc ça permet un lien très étroit parmi les producteurs de la radio et les consommateurs de la radio, et donc c'est quelque chose que je pense très intéressant. Et c'est de plus en plus intéressant si on considère que avec la convergence de médias, donc avec l'internet, avec le satellite, avec les ondes hertziennes traditionnelles, on peut créer des expériences de communication très très intéressantes. Par exemple, pendant la dictature de Ben Ali en Tunisie, on avait mis en place un canal par satellite en Italie, et le satellite c'est quelque chose qui est très difficile à couper, donc alors que nos collègues tunisiens étaient toujours censurés sur l'internet, donc leur site était obscuré par les autorités, et donc il n'y avait pas moyen, si vous voulez, de sortir de la petite chambre de production. Et ben avec le satellite, on rentre directement dans les maisons de tous les auditeurs, parce que tout le monde, presque tout le monde, a un petit dish, un petit récepteur. Et donc voilà, c'est la chose intéressante, je pense, c'est de croiser les expériences, d'utiliser tous les instruments qu'on a à disposition, tout simplement pour ouvrir des fenêtres de dialogue avec les mouvements sociaux et la société civile. Mais comment ça se fait, dis-moi, qu'on fait appel comme ça à quelqu'un comme toi, extérieur au pays, que ça je comprends pas très bien, parce que t'es dérangeant, quoi, pour finir, si tu fais vraiment, parce que moi, en fait, je te connais pas, donc ça doit être dérangeant, un gars comme ça qui débarque et qui dit, bon, bah moi, je vais mettre en place une radio, hein? Oui et non, dans le sens que quand on travaille, en général, nous travaillons toujours avec des collègues sur le terrain, donc ce n'est pas notre nécessité de mettre en place des nouvelles aventures radiophoniques, mais ça vient plutôt, c'est une demande qui arrive de nos collègues. Et tout en sachant que dans le temps on a acquis un peu d'expérience avec les différents moyens de communication, etc., c'est évident que c'est une coopération qui se met en place. Donc c'est la coopération avec les collègues tunisiens, c'est la coopération avec les collègues palestiniens, avec des gens avec lesquels on mène des batailles sur les droits humains, sur les biens communs, les fréquences, l'eau, la santé, l'environnement. Donc c'est quelque chose qui va au-delà, si vous voulez, d'un simple projet. Puis ces choses-là se concrétisent aussi avec des projets. Quelquefois c'est des projets financés par l'Union européenne, quelquefois c'est des projets financés par d'autres structures, des fondations ou des structures de coopération internationale. Mais en général, la demande vient toujours de nos collègues sur le terrain, et ce n'est pas nous-mêmes qui allons là-bas avec notre petite valise de radio plug and play déjà prête pour être mise à l'antenne. En fait, oui, il y a déjà au préalable des gens qui sont déjà prêts à mettre en place un projet pour libérer la parole, quoi. C'est parce que moi, je te voyais un peu justicier en disant « Ouais, ça y est, j'y vais avec ma petite mallette, justement, je vais proposer. » Mais il y a déjà là, dans le pays, donc quelque chose qui est ouvert, en fait. Mais oui, il ne faut pas oublier que ces personnes, les personnes qui sont en train de mettre en place des radios, en général, c'est des activistes pour les droits humains, c'est des activistes pour le droit de communication. Donc finalement, quand il y a la concrétisation d'un projet, en fait, c'est la concrétisation d'un processus qui a des racines assez profondes. Quand je dis qu'on travaille beaucoup avec nos collègues tunisiens, on a commencé à travailler avec eux en 2005. en 2005, donc quand encore on était très très loin du soi-disant printemps arabe. On a reçu des collègues à Rome en faisant des formations. J'ai fait moi-même des formations clandestines en Tunisie. On a rentré du matériel pour permettre à ces gens d'avoir des centres de production. On a mis en place des structures sur l'internet sécurisées pour permettre à ces gens d'envoyer du matériel hors du territoire et de le réémettre sur le territoire. Donc c'est un processus en général. Et qu'est-ce que tu tires de toute cette expérience aujourd'hui, là, maintenant, dans ta vie, quand tu regardes un peu en arrière et puis j'aimerais aussi que tu parles un peu du printemps arabe, qu'est-ce quoi. Bon, qu'est-ce qu'on tire moi, je pense que j'ai eu la chance de pouvoir faire un métier très très beau. J'aime beaucoup la radio, j'aime beaucoup l'environnement politique autour de la radio associative, avec tout ce que ça comporte, avec toutes les différences qu'il y a. Donc moi, je pense que la première chose, c'est que ce qu'on en tire, c'est tout simplement une grande richesse. Chaque fois que je suis parti quelque part pour faire des formations, je suis rentré formé moi-même par mes collègues. C'est... Excuse-moi, mais quand est-ce que ça a commencé pour toi, tout ça ? Donc moi, j'ai commencé en 94-95 à la Radio Città Futura. En 98, j'ai monté cette agence à Amisnet. Et puis, avec les projets internationaux, ça a commencé à l'an 2000. Et puis, c'était un crescendo d'aventures radiophoniques, de nouveaux projets, de nouvelles intersections avec ces acteurs. Et donc, qu'est-ce qu'on en tire ? On en tire une grande richesse. Je pense que la chose la plus belle, c'est de voir les yeux de nos collègues quand on peut allumer un nouvel émetteur qui dépasse, si vous voulez, les frontières quelquefois de la légitimité, mais certainement qui dépasse les frontières même de notre imagination, de notre imaginaire. Ça, je pense que c'est la chose la plus belle et la plus enthousiasmante dans tout cela. Donc ça, c'est un peu ce qu'on en tire. C'est ça ce qui nous donne, vous voulez, la force et l'énergie de continuer malgré les difficultés. Il ne faut pas penser que tout est simple et tout est facile. Au contraire, il y a beaucoup de difficultés dans tout cela. Difficultés techniques, difficultés politiques, les difficultés de l'environnement social dans lequel on se trouve à opérer. Mais malgré cela, voilà, il y a c'est des choses qui donnent une grande force. Et c'est sur cela que je pense c'est la chose la plus belle qu'on en tire. Sur les printemps arabes, c'est quelque chose de très très vaste. Il faut distinguer, je pense, les pays. Comme je te disais, moi j'ai travaillé beaucoup en Palestine bien avant les printemps arabes. C'était quelque chose de très difficile à cause des conditions sur le terrain, l'occupation militaire de la part des Israéliens, les checkpoints, le matériel, la philosophie des gens. J'ai commencé à travailler sur la Tunisie en 2005, après le sommet mondial sur la société de l'information. C'était le sommet organisé par les Nations Unies sur la société de l'information. Et c'était un sommet un peu particulier, parce que pour la première fois, les Nations Unies avaient mis autour d'une même table soit les gouvernements, soit les gens du terrain, donc les opérateurs des médias, pour essayer, si vous voulez, de trouver une roadmap, donc une voie de développement équilibré du système et de la société de l'information, ce qui veut tout dire et rien dire en même temps. Et l'idée de faire ce sommet en Tunisie était un peu une contradiction, parce qu'à ce moment-là, la Tunisie était parmi les plus farouches opposants à la liberté d'expression et aux droits civiques, tout simplement, aux droits fondamentaux. Et c'était un peu comme organiser un sommet sur l'environnement dans une centrale nucléaire. Donc c'est bonne image. Donc c'était un peu ça, faire un sommet sur l'environnement à Tchernobyl. Donc là, ils avaient fait un sommet sur l'information en Tunisie. Donc, nous avons donc rencontré nos collègues, nous avons commencé à parler de la possibilité de mettre en place des centres de production indépendants, des radios libres. On a commencé à envisager les moyens techniques pour faire en sorte que les productions puissent être écoutées par les gens. Et donc, petit à petit, on a développé, si vous voulez, des liaisons très étroites, ce qui a fait que quand le régime de Ben Ali est tombé, nous avons tout simplement continué ce travail avec des collègues, avec des amis avec lesquels on avait des relations déjà depuis quelques années. Et donc depuis la chute de Ben Ali, on a commencé à travailler sur la mise en place des radios libres et avec des difficultés, si vous voulez, très très fortes, non pas au niveau technique de la mise en place elle-même, non pas non plus du point de vue de la soutenabilité sociale de ces structures, parce qu'au contraire elles sont très ancrées avec les mouvements sociaux, mais tout simplement pour la structure des médias qui avait été mise en place jusqu'à présent par le système de Ben Ali. Juste pour vous expliquer, en Tunisie, les radios commerciales, indépendantes, donc toute radio, ne peut pas avoir son émetteur et son antenne. Donc une radio, pour pouvoir émettre, elle doit passer par un bureau national qui s'appelle Office National de Télécommunications, ONT, qui est donc une structure publique qui gère non seulement le plan des fréquences, donc c'est elle qui va vous allouer une fréquence si vous avez une licence, mais aussi donc tous les équipements de production et de mise à l'antenne. Ce qui veut dire que si vous voulez aller à l'antenne sur Tunis, capitale, vous pouvez demander les services à l'ONT et l'ONT vous fera payer, juste pour, à titre d'exemple, 60 000 euros chaque année, tout simplement pour avoir accès aux émetteurs et aux antennes. Alors, pour donner un mètre de comparaison aux auditeurs, 60 000 euros par année, c'est une immensité si on considère qu'un émetteur d'une bonne puissance qui couvre exactement le même territoire coûte 3 500-4 000 euros. Donc, on demande 20 fois plus chaque année, tout simplement pour avoir l'accès aux antennes et aux émetteurs. Donc, si vous voulez, c'était ça un peu la structure à laquelle on devait faire face. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec mon organisation ? C'est tout simplement d'essayer de convaincre nos collègues tunisiens à aller au-delà de la loi et de commencer à émettre avec des instruments propres. Et donc, une chose c'est le dire, une chose c'est le faire. Donc on a dû mettre en place des mécanismes pour faire entrer du matériel radiophonique en Tunisie, des mécanismes qui étaient sur le fil rouge de la légalité, comme vous pouvez bien vous imaginer. Et ce qui fait que de toute façon maintenant nous avons actuellement en Tunisie déjà 4 radios associatives sur l'FM qui ne passent pas par les services de l'ONT, donc de cet Office National de Télédiffusion. Tout en sachant que pour nous l'objectif n'est pas tout simplement de casser un monopole d'État, mais tout simplement d'établir des principes, nous avons ouvert un dialogue avec l'ONT, parce que nous sommes convaincus que dans un nouveau panorama de démocratie, de médias, cet Office National de Télécommunication doit être tout simplement un primus inter pares, donc un opérateur parmi les autres. Si les radios commerciales veulent s'y adresser, elles sont libres de le faire. Si les radios indépendantes ne veulent pas utiliser ce service, elles seront libres de ne pas l'utiliser. Donc le travail se complète avec une étude sur un nouveau plan des fréquences, avec donc des préconisations sur l'utilisation des équipements par les radios, des formations sur le côté journalistique. Il faut penser que jusqu'à présent, les gens ont toujours été habitués à faire de la propagande plus que de l'information. Donc qu'est-ce que ça veut dire faire de l'information ? Faire de l'information libre. Tout le monde a la prétention aujourd'hui de faire de l'information libre, mais en même temps, tout le monde continue à utiliser les mêmes agences d'État. Donc l'importance des sources, donc l'importance du réseautage, des contacts. Voilà, donc ça, c'est un peu tout le boulot et tout le processus que nous sommes en train de suivre. Donc qui va, si vous voulez, à tous les niveaux, niveau le plus bas, niveau technique, niveau un peu plus élevé, donc questions journalistiques, préparation, source, réseautage, jusqu'à arriver aux questions, si vous voulez, plus politiques, rompre un monopole d'État, faire des préconisations sur un nouveau plan de fréquence, ouvrir donc le paysage des médias à une nouvelle forme de démocratie. Mmh. Et donc ça, c'est un peu la chose qu'on est en train de faire en Tunisie. Il est évident qu'il y a beaucoup d'autres pays qui ont besoin d'un tel support. Je pense à l'Égypte. Je pense au Maroc, je pense à l'Algérie où par exemple il y a une presse relativement libre mais par exemple où il n'y a pas encore de radio indépendante. Et je pense encore à la Palestine. Je pense que le problème de la Palestine ne va pas se résoudre sans un dialogue avec les Israéliens. Et donc il faudra impliquer tous les activistes israéliens qui sont contre l'occupation israélienne et les impliquer dans nos processus. Donc voilà que la radio devient tout simplement un instrument de dialogue. On parlait parmi les autres sujets de tradition orale. Voilà, mettons en place cette tradition orale, recommençons à parler et utilisons les ondes pour le faire. Mmh. Et voilà, donc. Et puis bon, il y a encore d'autres pays qui sont très compliqués, le Yémen, le Bahreïn, où la censure et si vous voulez, les forces et les brutalités de la, des gouvernements sont encore très très fortes. Et donc voilà, il y a pas mal de boulot à faire encore. Oui, on ne s'imagine pas, du moins moi je ne m'imagine pas comme ça, puisque je suis née dans un pays où on fait semblant qu'on est démocratique, mais en même temps, bon ben voilà, il y a eu une manif pour la défense des vélos, où les gens étaient tout nus sur leurs vélos. Bon ben, je sais pas, si on était dans un autre, il y aurait peut-être eu des fusils, ou tu vois, il y a quand même un semblant de liberté dans les pays. Je dis bien un semblant, hein, parce qu'après, quand on commence vraiment à se battre, là c'est autre chose. Ça, c'est une chose que je voulais dire. Et donc on ne réalise pas, nous qui sommes nés un peu le cul dans le beurre aussi, tu vois, j'ai jamais dû moi me battre pour c'est les générations au-dessus de moi qui l'ont fait, quoi. Il y a ça aussi que je voulais dire, et par rapport aussi aux médias, parce que c'est vraiment un pouvoir énorme aujourd'hui, hein, vous vous levez le matin, vous allumez votre radio, les journaux, la télévision, ça fait partie de la publicité qui renvoie aussi des messages. Est-ce que tu n'as pas l'impression, mais c'est juste une impression, que demain, dans le paysage médiatique, les petites radios pourraient donner une info vachement plus intéressante que justement toutes ces radios professionnelles, commerciales et politisées qui racontent, pour finir, entre guillemets, des conneries. C'est-à-dire la voix du... Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Je comprends très bien. Je parle dans nos pays, parce que j'ai une vision d'ici, hein, en Belgique, l'Europe, quoi, les pays riches, modernes. Non, je comprends très bien. Je voudrais même suggérer d'enlever les guillemets quand tu dis des conneries. Je veux dire, c'est la réalité. Mais bon, moi je viens d'un pays, l'Italie, qui est un pays qui a vécu, si vous voulez, la libération, la libéralisation des ondes déjà à partir des années 70, hein, donc en 75, 76, 77, on était probablement les premiers. Et quand je parlais avant de la diversité des radios libres, des radios indépendantes, je me réfère aussi à cela. Il y a beaucoup de radios indépendantes en France, mais j'en ai vu aussi dans d'autres pays, qui passent tout simplement l'information des grands services publics, des Radio France Internationale, de la BBC, etc. En Italie, ça se passerait jamais. En Italie, les radios, toutes les radios libres, ont leur point de force dans la production de l'information. C'est la production de l'information qui caractérise une antenne. Donc moi je suis tout à fait convaincu de ce que tu dis et je le partage. Mais là aussi, c'est un processus. Pourquoi ? En Italie, c'est quelque chose qui a commencé comme ça il y a 30 ans et qui s'est développé comme ça. Je veux dire, là aussi, je pense qu'il y a dans le colloque d'aujourd'hui et en général, quand je l'entends, des grands malentendus. On nous dit que les radios associatives doivent faire une information de proximité. Et pourquoi ? Est-ce que mes auditeurs de proximité ne peuvent pas entendre parler de la crise globale, mais avec un angle différent, avec une source différente, avec des interlocuteurs différents ? Je suis obligé de passer une information de proximité pour donner à mes auditeurs l'information mainstream de tout le monde. Et là aussi, il y a un malentendu immense, et c'est très difficile de faire passer ce message, même entre nous. Même entre les collègues. Pourquoi ? Parce que dans cette immense diversité, un collègue allemand, français, anglais ou irlandais pourrait te dire « Oui, non, mais c'est très bien, moi je trouve que l'information de la BBC est très correcte. » En Italie, ça ne se passerait jamais. Probablement parce qu'en Italie, on n'a pas la BBC. Mais ça, c'est un autre problème. Ou un Radio France International. Mais, je veux dire, c'est évident que c'est comme ça. Et c'est pour ça que c'est important les réseaux. Mettre en place un réseau, le réseautage. S'il y a quelque chose qui se passe en Slovénie, je ne vais pas tout simplement répéter l'agence France Presse, je vais appeler mon collègue qui se trouve à Ljubljana et je vais avoir sa voix, son point de vue et sa vision sur les faits, qui pourrait être légèrement différente de ce que les médias mainstream veulent nous faire croire ou veulent nous faire boire. Moi, je suis tout à fait convaincu de cela, mais je pense que ça aussi, c'est l'information coûte. Avoir une rédaction journalistique qui produit de l'information, c'est la chose la plus coûteuse du monde, parce qu'il faut avoir des gens qui se dédient à ça, des bénévoles quelquefois ne sont pas suffisants à couvrir comme il faut la journée, où il y a les revues de presse à 8h du matin, le journal à 8h30, les micros ouverts à 10h, les magazines l'après-midi, les autres journaux, donc je vais dire c'est ça. Et c'est pour ça que beaucoup de radios ne peuvent pas se permettre non plus de faire de l'information indépendante. Faire une information indépendante coûte. Et l'information indépendante, c'est la chose qui te rend le moins d'argent. Je veux dire, si je fais un programme musical, à la limite, je pourrais avoir des sponsoring de la part de certaines compagnies. Si je fais de l'information indépendante, personne ne va jamais me donner un sou pour le faire. Donc voilà, je pense qu'il y a un problème de soutenabilité, de viabilité de certaines expériences, mais je pense aussi qu'en mutualisant les efforts, en créant les synergies, en créant, si vous voulez, ce réseautage, on peut être en mesure d'aller au-delà. Avec la marque, on est en train de réfléchir sur un système d'échange d'informations, de news, de programmes. Le problème, c'est qu'en Europe, on a aussi la question de la langue. Il y a des expériences d'agences indépendantes en Amérique latine qui sont facilitées par le fait d'avoir une langue commune, une lingua franca, l'espagnol, le portugais, avec la présence des collègues brésiliens. Mais je veux dire, en général, c'est l'espagnol. Et ça marche. Et ça marche. Ça fonctionne. Ici, en Europe, quelle est la lingua franca ? Le français ? L'anglais ? L'espagnol, ouais, ça c'est un peu difficile. Mais bon, moi je pense qu'avec un peu de bonne volonté, on peut y arriver. Mmh. Bah oui, il y a déjà les traductions. Mais non, mais ça rassemble des gens aussi. Ça rassemble des gens, quoi. Ben oui. C'est vrai. C'est vrai qu'une langue commune, c'est rassembleur, mais ça n'empêche pas, si la langue n'est pas commune, de se rassembler quand même. Hein. Ah non, absolument, absolument. D'ailleurs, nous, on travaille aussi beaucoup sur la question des langues minoritaires. Parce qu'on est certain que l'anglais est très utile pour communiquer au niveau global, ou le français, je veux dire. Et donc moi, je suis convaincu qu'il faut utiliser le langage, il faut se faire comprendre. Donc si je dois parler à un auditoire international, probablement je vais utiliser l'anglais. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas, au contraire, protéger les langues minoritaires. Le corse, le basque, le breton, le catalan. Et pourquoi ? Parce que c'est des langues qui vont disparaître dans ce processus de globalisation. Il y a des statistiques des Nations Unies qui disent que d'ici la fin du siècle, probablement 6000 langues minoritaires vont mourir au niveau mondial. 6000, c'est une immensité. Mmh. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est une langue, entre guillemets, minoritaire ? Combien devons-nous être pour être minoritaire ou majoritaire ? Si on est 100 000, est-ce qu'on est minoritaire ou majoritaire ? Mmh. Par rapport à quoi ? Par rapport à mon territoire ? Par rapport à... Ah, donc, je veux dire, c'est un débat assez important. Et nous travaillons avec le Parlement européen pour cela. Le Parlement européen a fait récemment des propos de résolution pour la défense des langues minoritaires. Et nous sommes convaincus que les radios indépendantes, les radios libres, les radios associatives ont une place dans ce débat. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Mmh. Moi, ce que je trouve impressionnant comme ça, sans trop y connaître, hein, c'est-à-dire que voilà, je suis sur le terrain, je fais de la radio aussi, mais je trouve ça, ça me pose un point d'interrogation, un colloque. Donc c'est deux jours, c'est même pas un colloque, deux jours sur les radios communautaires associatives, quoi. Donc ça veut dire que ça prend de l'ampleur. Et c'est des gens de partout dans le monde, quoi. C'est quand même impressionnant, non? Qu'est-ce que j'aurais envie de dire c'est qu'il y a des gens qui se posent des questions, là. Enfin, tu vois, c'est quoi le... Ah ouais. Moi, la chose que je trouve impressionnante, c'est que c'est, désormais, on parle d'un mouvement mondial. Les radios associatives existent en Asie-Pacifique, en Australie, j'ai eu des collègues des Fidji, Indonésie, Népal, Inde, Bangladesh, au Centre-Asie, donc Kirghizistan, Kazakhstan, au Canada, aux États-Unis, au Mexique, toute l'Amérique latine, en Europe, avec des difficultés, en Afrique, avec des connotations différentes. Donc c'est évident que c'est un secteur qui est désormais qui a un impact au niveau mondial. C'est là aussi, si vous voulez, que la réflexion que je pense qu'on doit faire, c'est mais alors zut, mais alors pourquoi ? Il y a des résolutions politiques, il y a un mouvement mondial, et cependant, il y a encore toutes ces restrictions contre un secteur comme s'il y avait encore des résistances sur le terrain pour que ça soit mis en place. Je le rappelais hier, en Europe, il y a des problèmes. En Finlande, pas de reconnaissance des radios associatives. En Suède, reconnaissance si large que les radios commerciales sont en train d'utiliser les fréquences des radios associatives, et donc il y a une très forte commercialisation des fréquences. Hongrie, qui avait une très bonne législation auparavant, et avec le changement de gouvernement, il a par contre une législation très très démotivante pour les radios associatives qui sont en train de disparaître. Donc problème, Suède, Finlande, Hongrie, en Saxonie, en Allemagne, en Grèce, on a fermé des radios, en Espagne, il n'y a pas de législation. Vous voyez, c'est à part quelques cas en Europe, et c'est le cas de l'Irlande, de la France, de la Belgique francophone, parce que vos cousins flamands n'ont pas de législation non plus sur les médias associatifs. Et donc, je veux dire, à part des cas, des mouches blanches comme ça, on a l'impression que c'est un secteur qui a encore beaucoup de mal à se développer. Le problème, je pense qu'il y en a encore un autre, c'est que dans certains pays, notamment les vieux pays du bloc communiste, il n'y a pas non plus une demande de mettre en place ce genre d'expérience de communication. Est-ce que nos collègues bulgares savent qu'est-ce que c'est une radio libre, qu'est-ce que c'est une radio associative? Est-ce que nos collègues roumains le savent? Est-ce qu'ils savent quelles modalités, les méthodologies, les pratiques de politique sur le terrain? Ici, nous faisons politique, soyons clairs. Les radios sont des instruments de communication, mais la vision que nous devons avoir est une vision politique. Donc, et c'est là la chose la plus frappante. Est-ce qu'il y a une demande? Et comment stimuler cette demande? Comment leur faire comprendre que la radio commerciale ou la radio du service public n'accomplissent pas complètement à tous les devoirs de communication qu'ils ont face à une citoyenneté qui change, face à une citoyenneté qui suit les flux des migrations européennes, qui suit les flux des discriminations qui sont encore présentes entre hommes et femmes dans ce milieu. Donc, et voilà, moi je pense que c'est ça la réflexion politique qu'il faut mettre en place. Comment remplir ce vide, cette fracture? D'un côté les principes, de l'autre côté les pratiques. Eh ben là, je pense qu'il y a encore beaucoup à travailler. Au travail, alors. Au boulot. On pourrait terminer là-dessus, hein, ceci dit, au travail. Oui, mais, enfin... Ouais, moi, je me pose la question, mais dis-moi si je suis à côté de mes pompes. Pourquoi un colloque sur les... Enfin, le CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc pourquoi on focalise sur des radios communautaires associatives? Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. Pourquoi? Alors que sur le paysage, par exemple, radiophonique, on va se limiter ça, mais il y a aussi la télévision, il y a des choses énormes qui se font, qui se disent, la publicité, la propagande aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi on ne se soucie pas plus aussi de ce qui est, entre guillemets, en place là maintenant, qui prend de la place, qui sont les médias au pouvoir, quoi? Parce que les communautaires et l'associatif, Je dis pas que ça ne pourrait pas être, mais ils sont un peu dans l'ombre quand même. C'est, enfin, je sais pas si tu comprends ma pensée. Non, tout à fait. Je le comprends et en partie je le partage. Quand je dis en partie, c'est tout simplement parce que je pense que de l'autre côté, des colloques comme ça sont importants là aussi pour établir des principes politiques. Le principe politique est le suivant. Dans un système vraiment démocratique, on veut le pluralisme des médias. Le pluralisme des médias actuellement n'est plus garanti, ni par le service public, ni par les services commerciaux. Donc si nous voulons un service vraiment pluraliste, et donc si nous voulons vraiment la démocratie, on doit adopter un système qui soit divisé en trois parties. Un système public, un système commercial et un système associatif. Et donc moi je pense que ces colloques sont importants et c'est, je trouve intéressant le fait qu'il a été stimulé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est la reconnaissance de ce principe et c'est aussi l'idée de comment à travers l'échange d'expériences parmi les différents continents on pourrait essayer de l'améliorer. Hier je faisais l'exemple, en Équateur, personne n'en parle, la nouvelle loi audiovisuelle a mis en place une répartition des fréquences où il y a le 33% pour les médias associatifs, 33% services publics, 33% services commerciaux. Est-ce que vous pensez ça imaginable dans un pays européen ? Moi, franchement, non. Et donc, moi, je pense que c'est parmi ces échanges que les régulateurs peuvent aussi assumer leur rôle. Moi, je pense que les régulateurs sont fondamentaux, mais les instances de régulation indépendantes. Et ça, c'est le problème. Si nous regardons autour de l'Europe, dans combien de pays européens nous avons des instances de régulation vraiment indépendantes ? Moi, je pense que c'est un nombre très très limité. Et là aussi, on est toujours sur le même exemple. L'Irlande, la Belgique francophone, les Français, en quelques parties un peu l'Italie, mais je veux dire, en Espagne, il n'y a pas d'autorité de régulation non plus, ni dépendante, ni indépendante. Il y a tout simplement... Et par contre, c'est eux qui doivent être l'arbitre de ce processus. Pourquoi ? Quand tu dis eux, c'est qui ? Les autorités de régulation. Parce que c'est là où il n'y a pas des lois concrètes. Les autorités de régulation doivent appeler les gouvernements à mettre en place des lois suivant les résolutions qui ont été adoptées au niveau européen. Là où les lois ne sont pas conformes à ces résolutions, les régulateurs doivent appeler au respect de ces lois. Et donc, ils ont un rôle fondamental. Et ce rôle fondamental va être encore plus important quand on va approcher commencer le processus de passage au numérique, à la radio numérique terrestre. Parce que la radio numérique terrestre va tout simplement changer le périmètre, non pas de l'émission, mais le périmètre du pluralisme et le périmètre de la liberté d'expression. Parce que beaucoup plus de radios pourraient avoir accès aux fréquences, mais alors, est-ce que ça sera toujours les mêmes services commerciaux ou est-ce que ça sera vraiment des nouveaux acteurs indépendants ? Et voilà, donc, en élargissant le périmètre du pluralisme et de la liberté d'expression, eux, dans ce match, avec les grandes compagnies commerciales, doivent jouer le rôle d'arbitre. Mais on voudrait qu'ils soient vraiment un arbitre. Et un arbitre, par définition, doit être indépendant. Alors, là aussi, faisons notre bataille, même au sein de la marque, donc de l'association que je représente, c'est d'avoir des autorités indépendantes de régulation avec lesquelles établir un dialogue concret sur ce qu'est le pluralisme, ce qu'est la liberté d'expression et comment le mettre en acte avec des systèmes techniques de répartition de fréquences, d'accès à des financements publics, d'accès tout court. Je crois que j'ai compris ce que tu as dit. C'est-à-dire... ce colloque. Moi-même. Non, mais je comprends l'idée. En fait, moi, je te parle des médias. Est-ce que ce serait pas intéressant des médias, le pouvoir des médias aujourd'hui, hein. Je te parle pas des petites associations, des petites communautés qui font de la radio. Là. Je te pose la question, mais est-ce que ce serait pas intéressant qu'un Conseil supérieur de l'audiovisuel réfléchisse vraiment sur ces médias qui prennent le pouvoir et qui sont plus du tout indépendants, qui disent tous la même chose. Enfin, tu vois, ça devient. Et toi, tu me dis, mais oui, j'entends bien ça. En tout cas, moi. Mais ces colloques-là mettent en avant ces petites radios associatives communautaires pour qu'il y ait diversité, pour que justement ce ne soit pas le monopole des grands médias qui prennent tout, mais que dans ce paysage-là, on amène aussi le communautaire, les petites associations qui font de la radio pour amener de la du pluriel, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et probablement avec des échanges au niveau international, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Vous savez, ça aussi c'est très important. Moi j'ai rencontré des expériences, des collègues qui viennent de Pristina au Kosovo ou de Skopje en Macédoine, qui travaillent d'une façon complètement isolée et qui se sentent parfois seuls face à ces batailles. Moi, je pense que les impliquer dans ces processus, leur dire, regarde, ta bataille, c'est aussi la mienne, c'est aussi la sienne de l'autre côté de l'Europe. Déjà, c'est quelque chose qui nous donne un peu le sentiment de solidarité, un sentiment de coopération et qui peut développer justement les mutualisations, les synergies qui devraient théoriquement contrebalancer le pouvoir de ces grands médias. Quand je dis théoriquement, parce qu'une chose c'est de le dire, une chose c'est de le faire. Mmh. Et encore quelque chose, mais quoi, ce serait comme si les gros médias qui ont le pouvoir, c'est impossible de faire quelque chose. Ça aussi c'est un point d'interrogation. Ok, il y a toutes les petites associations communautaires, radio, qui se mettent ensemble, qui vont d'ailleurs, dans le futur, hein, on en a un peu abordé, peut-être ils vont donner une information vachement plus lucide sur ce qui, sur les médias classiques. Mais quoi ? Une autre question, ce serait, alors quoi, ces médias classiques, il n'y a pas moyen de les faire tomber, il n'y a pas moyen de réguler ça, il n'y a pas moyen, c'est quoi il faut le réguler, il faut le réguler. Mais puis moi je suis, si vous voulez, aussi très, très réaliste, je veux dire, ce n'est pas le régulateur qui va faire tomber des médias, etc., etc. Est-ce que c'est mon intérêt de faire tomber des médias commerciaux ? Est-ce que c'est mon ambition ? Franchement, non. Moi, je reste, dans le respect des libertés, de la diversité, je respecte Radio Énergie, Radio n'importe quoi. Alors, je vais être plus précise, parce que c'est pas Radio Énergie, ou, enfin, je m'en fous. Non, c'est ces médias qui donnent une information qui est... qui est à la base fausse, qui est... donc il y a un direct qui se passe parce qu'il y a un gros bazar qui se passe, du coup on donne des infos qui sont complètement à côté de la plaque, c'est du mensonge quoi, on va trop vite, on manipule aussi, enfin voilà, moi c'était plutôt de ces médias-là que j'ai envie de parler. Radio Énergie, bon, c'est dommage, mais bon voilà. Non, on parle de nouveau du système de l'information. Moi, je pense que c'est une discussion clé. C'est vraiment ça, la clé pour interpréter ce qui se passe. Donc, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y a différentes instances. Tout d'abord, il y a des règles déontologiques. Des règles déontologiques que les journalistes devraient respecter. Mais qui sont régulièrement bafouées. Et donc, qui sont les organes de contrôle ? C'est à eux qu'il faut demander le respect de ces règles journalistiques. Si les organes de contrôle ne font pas leur travail, il y a les tribunaux. Nous devons avoir recours à tous les instruments. Moi, je pense que la bataille pour les droits fondamentaux, le droit de communication est un droit fondamental, ne se fait pas tout simplement avec nous, les acteurs de la communication, les associations. C'est des batailles qui se font avec des avocats. C'est des batailles qui peuvent aller jusqu'à un tribunal. C'est des batailles sur lesquelles il faut comprendre quelle est la limite et quelle est la frontière à ne pas dépasser. Oui, mais ça fait longtemps qu'on a laissé tomber les bras par rapport à tout ça. Enfin, moi, quand je me renseigne un peu sur les médias, enfin, c'est dingue ce qui se passe quand même, quoi. Ça devient une source, enfin, c'est horrible, quoi. Oui, mais c'est ça ce qu'on appelle malheureusement la globalisation. Ça, si vous voulez, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que lentement, on a pris le quatrième pouvoir. Donc, mais donc ça veut dire qu'il y a certains conseils qui ont baissé les bras aussi, quoi, qui n'ont pas mis sur la table à certains moments donnés que ça se passe comme ça. Non, moi je pense pas qu'ils ont baissé les bras. Je pense qu'il y a beaucoup de politiciens qui ont baissé les pantalons. et dans ce sens, je suis certain qu'il y a un lien très étroit entre le monde politique et le monde de l'information. Le monde politique a intérêt à avoir ce genre d'informations, ça c'est évident. Donc ce n'est pas les tomber les bras. Je pense plutôt cela. Donc c'est si on monte, donc je pense que là aussi c'est des dynamiques. C'est pour ça que je dis c'est des dynamiques politiques. hein, le monde politique a intérêt à avoir de la désinformation. Le monde politique, certains mondes politiques, on ne veut pas généraliser non plus, hein, mais a intérêt à avoir une information superficielle, de nous faire entendre une chose alors que c'en est une autre. Donc, c'est un peu ça, je pense. Donc, ce n'est pas tout simplement la faute aux médias. Les médias, ils reflètent ce que c'est une société. Oui, mais vous, enfin, soit on va faire un grand débat là-dessus, mais c'est aussi, tu vois, les médias, quel pouvoir ça a. Surtout si, par exemple, on parle de l'émotionnel, quoi. Pour le moment, ici, du côté, en Belgique, ça se passe comme ça, quoi. On donne une info où les gens sont émus. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est horrible. Tu vois, on raisonne plus, on réfléchit plus, on amène vraiment les gens. C'est dommage, quoi, parce qu'un média, ça pourrait être un outil génial pour faire réfléchir, pour... Tu comprends? Et là, on est occupé, je trouve, à aller chercher chez les gens les plus bas instincts, comme ça, c'est bête, enfin voilà. Non, non, absolument, moi je pense que tu as raison, mais c'est une discussion qu'on ne va pas résoudre aujourd'hui. C'est là aussi, moi je pense que les médias reflètent la société où ils se trouvent. C'est à la société aussi de mettre en place des nouvelles demandes. Moi je pense que les médias, ils ne font que nous servir le plat qu'on a commandé. Hein. C'est là que c'est important justement de faire comprendre. Hier, on avait écouté le petit fichier sur une radio qui avait été vidée par la police. Alors, on en parle, on le lit sur un journal, mais qu'est-ce que ça veut dire en effet? Quelle est l'émotion? Quelle est la violence qu'on met en place lorsqu'on ferme un média? Donc, ça, c'est des choses qu'il faut faire comprendre. Maintenant, il y a tous les instruments. Nous avons la chance aujourd'hui, je pense, par exemple, d'avoir tous les instruments techniques pour changer ce processus. L'Internet, nous avons les téléphones portables. Est-ce que vous imaginez ça, il y a 30 ans, ce serait impossible. La révolution arabe se fait à travers Facebook. C'est un peu triste à dire, mais la révolution se fait avec Facebook. Bah, elle commence comme ça, du moins. Après, on voit la suite, quoi. Voilà. Oui, mais c'est comme ça que ça commence, avec Twitter. Et donc, il faut utiliser tous les instruments. Nous les avons, les instruments. C'est à nous de le faire. Bon, ben, on arrive à la fin. Et c'est vrai que c'est un gros sujet, les médias. C'est un gros bazar aussi, quoi. Mais ce n'est que la première partie, non? La deuxième partie, les prochains 40 minutes sont pour la semaine prochaine. D'accord. Bon, merci à toi, Francesco. Et merci à toi, Graziella. Une dernière phrase comme ça, philosophique, poétique, humoristique, sur quelque chose que tiens, profite, il y a la radio, te dire « Ah ouais, même un truc marrant si t'as dans ton magasin, ou un truc... » Je vais te l'envoyer par MP3 avec les nouvelles technologies. Ok, merci. Alors, monsieur, de prier. Oui, ta vocation de prof. Vous faites prof depuis combien d'années? Je pense que je suis prof depuis ma première primaire. Là, je suis plus adolescent. L'âge de 12 ans, alors. 6, 8 ans. Quand j'avais 8 ans, quand j'étais en troisième primaire, je savais dans ma tête que j'allais être prof. Et je donnais tout le temps cours. Dans ma tête, hein. Dans ma tête, je donnais tout le temps cours quand j'étais en troisième primaire. Et j'ai tout le temps su que j'allais être prof. Alors quand j'étais en troisième primaire, je voulais être prof en troisième primaire. Et puis en quatrième primaire, je voulais être prof en quatrième primaire. Et comme ça, chaque année, je voulais être prof de l'année. Et puis voilà. Pourquoi, en fait? Pourquoi? Pourquoi? C'était comme si on me l'avait dit. C'est comme si j'étais plongé dedans, comme Astérix, là. J'étais plongé dedans. Je voulais être prof depuis... Ce qui influence peut-être, c'est que je suis dans une famille de profs. Mes parents étaient profs. Mes deux frères sont profs. Ma sœur est prof. C'est comme ça. Là, on renverse un peu, t'as vu? On renverse un peu le... On demande à Monsieur Dupriez... Mais moi, j'entends bien. C'est précis, mais j'entends que c'est comment vous êtes tombé prof, bah parce que mon père, ma mère, machin. Mais qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, quoi, au fond? Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui vous attire là-dedans? Parce que vous auriez pu changer carrément d'option, quoi. Mais l'idée au départ, c'était en fait, j'aimais bien mes profs et je m'imaginais à la place de mes profs. J'avais envie de parler et de prendre la parole devant une classe. Ça, c'était comme ça en primaire, c'était vraiment très, très fort. Et prendre la parole, pourquoi? Parce que ça me plaisait bien, mais je ne sais pas vous donner le pourquoi, du comment. Il y a plein d'autres métiers où il y a moyen de parler. Je veux dire, il y a de la politique, il y a plein de métiers autres que prof pour pouvoir parler. J'aimais bien me coter moi-même. J'étais mon propre prof. Je vous ai dit la semaine dernière, c'est qui le meilleur prof pour vous? Thomas, c'est qui le meilleur prof pour toi? C'est vous, c'est vous. Non. Non. Ah, c'est moi. Moi, je dis toujours, le meilleur prof pour moi, c'est moi. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné à partir de 3e, 4e primaire. Oui, j'ai parlé du cours de Madame Fontaine, qu'on est allé à la visite à Malone, dans un institut qui s'appelle École Verte. Qu'est-ce que tu as aimé? Pourquoi tu retiens ce cours-là? Ce que j'ai aimé parce qu'on est sorti d'ici, de l'école, pour aller visiter, pour voir mieux. Pour moi, j'ai bien aimé parce que à la visite, je me suis mis dans l'institut. Que les éducatrices, ils ont raconté, expliqué comment ça déroule. Alors, dans ma tête, je me suis fait déjà un film, comment ça pourrait se dérouler une journée routine dans l'institut, oui. Une journée comment, t'as dit? Quotidienne. Quotidienne? Non, j'ai dit une journée... Routine, t'as dit, voilà. Routine, ah, routine, oui. Une journée routine. Non, à mon avis, ça ne doit pas être ça, c'est parce que la journée routine. Alors, par rapport à ce que tu as vu, est-ce que ça te donne envie de faire ce métier, de travailler d'éducateur, de travailler dans le secteur de l'hébergement, de l'aide à la jeunesse? Oui, ça m'a bien aimé. Je me vois déjà bien dans un hébergement comme ça. Comme je vais vous dire, je me suis vraiment fait déjà mon film dans ma tête. Mais par exemple, très concrètement, tu vois le mot concret? Pratiquement, un exemple, qu'on comprenne qu'est-ce que tu aimais bien là-dedans. Parce que j'ai entendu que tu aimais bien de quitter l'école, donc on quitte l'école et on va vraiment sur le terrain voir ce qui se passe. Ok, ça c'est quelque chose. Mais après, qu'est-ce que tu aimais bien au Colvert, ce qu'il te racontait? Un exemple que tu trouvais intéressant? Un exemple, eux, ils ont raconté que parfois, c'est pas facile avec les filles étrangères qui viennent, qui ont leur culture à eux, et que parfois, les filles, ils restent sur leur culture et qu'ils veulent pas... C'est intégré dans la culture d'ici et que... Un exemple pour qu'on comprenne bien ce que tu dis, parce qu'en même temps, la culture, ok. Un exemple. Par exemple, avec le manger, parce que chaque culture a ses mangers différents et parfois c'est aussi différent de la façon comment ils mangent aussi ça. Exemple. Quoi, manger avec les mains, manger quoi, enfin, on comprend pas bien. Oui, par exemple, manger avec les mains ou même le manger, ça sent différemment, c'est préparé différemment et... Et quoi, et dans cette institution, ils apprennent aux filles, si je comprends bien, à manger différemment. C'est ça que tu dis? Je comprends pas bien alors. Oui, je vois. Mais quoi, ça pouvait être un problème que les jeunes n'acceptent pas la nourriture de là, en fait, c'est ça? Et donc, ces jeunes ne mangent. Il y avait aussi des qui mangeaient avec les mains aussi. Alors, voilà. Ouais, enfin, voilà, mais en même temps... Oui, les cultures sont différentes et chacun fait comme il veut, comme il peut aussi, non? Oui, mais pourquoi on vous racontait ça, en fait? Parce que d'accord, c'est des... Tu dis? Par rapport aux autres, qu'elles doivent accepter les... Ben oui, mais en même temps, enfin, je ne sais pas pourquoi... Enfin, là, c'est un autre débat, mais pourquoi une jeune, j'invente, africaine, ne pourrait pas manger comme elle a envie à partir du moment où tu ne déranges pas les autres, où tu ne forces pas les autres Ouais, pour moi, c'est pas très... Ça fait du mal, ouais. Ouais, ben encore, enfin, moi, ça me choque, quoi, là. Chacun fait comme il veut, quoi. À partir du moment où tu déranges pas, tu dis? Ouais, je veux dire, moi, j'écoute, hein, comprenez, hein, je suis pas allée à votre truc, donc j'essaie de comprendre, mais jusqu'à un certain point, je veux dire, la culture... Enfin, moi, je suis vraiment pas nationaliste ni raciste, absolument pas. Ouais, mais c'est pas, pour moi, qui suis extérieure, je comprends pas l'exemple qui voudrait montrer que je peux entendre, par exemple, moi, dans mon institution, avec les jeunes filles placées par le juge, des fois, tu as une jeune qui dit « Ah non, moi, je mange pas parce que c'est du porc. » Donc, ça soulève un problème. « Ok, tu manges pas parce que c'est du porc. » Alors, soit en équipe, on réfléchit pour se dire « Est-ce qu'on lui fait un repas particulier ou pas ?» Vous voyez ce que je veux dire? Et en soi, ça pose pas de problème que cette jeune dise... qu'elle mange pas de porc, du coup on lui trouve autre chose, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pose pas de problème. Tu veux aussi dire qu'elle était végétarienne? Mais oui, mais là ça pose encore moins de problèmes, parce que c'est... Elle mange pas de viande, quoi. Enfin voilà, moi je trouve pas que c'est un problème. Comme vous racontez l'histoire, je ne vois pas où est le problème. Oui, mais avec l'exemple que vous donnez, je ne vois pas, je veux dire... Je comprends pas où alors...